Chapitre 37. Mes félicitations. Mademoiselle Chapelle m'avait bien dit que vous étiez un grand détective, jeune homme. J'ai peut-être un peu exagéré, intervint malicieusement Lorraine. Edward serrait la main que le vieux lord, assis dans son fauteuil, lui avait tendue. Oui, confirma le détective, mademoiselle a beaucoup exagéré. Le salon de Sir Ronald Walden était plongé dans la même douce pénombre que lors de la première visite de Lorraine. Des braises rougeoyaient dans l'âtre, donnant aux boiseries une belle couleur orangée, tandis qu'Arnold, dans son élégante livrée, apportait de nouvelles bûches. « Allons, allons, pas de fausse modestie, monsieur. Asseyez-vous près de moi. Ainsi vous auriez décrypté les lettres anonymes. » « Absolument. » Edward prit place sur le sofa et, de mémoire, récita les messages au millionnaire. Il avait passé tant de temps à les décortiquer pendant la nuit qu'il les connaissait désormais par cœur. « Tiens donc !» murmura le vieil homme d'un air énigmatique, comme si cela lui disait quelque chose. Il remua les doigts de ses deux mains sur le pommeau de sa canne blanche. « Il me reste à comprendre ce que signifie le rouge de la grande science !» dit Edward, qui n'avait rien perdu de son enthousiasme de la veille. « Oh, ça ! Je puis vous le dire moi-même, détective !» lui confia Walden d'un ton grave. « Mais avant cela, Arnold, voulez-vous bien nous apporter du thé, des œufs et un peu de bacon? Nos hôtes doivent avoir faim. » « C'est prévu, sœur, » répliqua le butler offensé. Il acheva de rallumer le feu dans la cheminée et s'éclipsa d'un pas martial, une main derrière le dos, l'autre sur le ventre. « Ruad Rofessa !» déclama soudain le vieil homme en roulant les airs. « Le rouge de la science idéale, pour être parfaitement exact. »« Qu'est-ce donc ?» le pressa Edward. « C'est l'un des surnoms que l'on donne au dieu celte d'Agda. » Pierce, aussitôt, adressa un regard stupéfait à Lorraine, qui était restée debout derrière le sofa et semblait davantage intéressée par les murs de la pièce que par la conversation. « Je suppose que notre animographe fait également référence à lui quand il parle de « celui qui règne sur la vie et sur la mort », continua Walden de sa voix sépulcrale. « D'Agda a eu bien des surnoms dans la littérature celtique. Il est aussi Aed, le feu divin, ou Olatair, le père puissant. Il est le dieu druide que vénèrent les prêtres. « Celui qui est chargé du savoir et du sacré. Et surtout, D'Agda règne sur le temps, sur les éléments et sur l'éternité. En d'autres termes, il règne sur la vie et sur la mort. »« Bigre !» s'exclama Lorraine. L'air soudain suspicieux, elle vint s'asseoir près d'Edward et, les coudes posés sur les genoux dans une posture inquisitrice, elle dévisagea le vieux lord. « Vous en savez des choses sur D'Agda, dites-moi. J'ignorais que vous étiez si féru de culture celtique, Ronald. » C'était la première fois qu'elle prenait la liberté d'appeler l'octogénaire par son prénom, exprimant ainsi une familiarité qui avait les accents furieux de l'arrogance. Loin d'en prendre ombrage, le millionnaire laissa un sourire fugitif effleurer ses lèvres. « D'Agda est le dieu auquel Blackmore fut consacré dans un temps très ancien. Si l'on s'intéresse un tant soit peu à l'histoire de l'île, on se renseigne forcément sur lui, mon enfant. « Je ne suis pas votre enfant, » rétorqua Lorraine. « Du moins, pas que je sache. » « Oh, mais vous êtes encore bien une enfant, en tout cas. Quant à D'Agda, il est un peu notre père à tous ici. » Nos quatre mégalithes eux-mêmes représentent ces talismans. La harpe, le chaudron, la roue et la massue. Pourtant, l'autre jour, vous m'avez dit ne pas reconnaître la graphie utilisée sur la lettre anonyme que vous aviez reçue. Mesurant votre parfaite connaissance de la culture celtique, je peine à y croire désormais. Je n'allais pas vous mâcher le travail, ma chère. La jeune femme montra des signes d'agacement. Au même instant, Arnold reparut et, avec sa discrétion habituelle, servit le petit déjeuner sur la table basse devant eux. J'ai le sentiment que tout le monde sur cette île en sait bien plus qu'ils ne veulent dire, maugréa Lorraine. Si vous nous cachez des choses, sœur, comment voulez-vous que je retrouve rapidement votre petite fille ? Eh bien, grâce à votre sagacité, justement. Mes connaissances ne m'ayant guère permis de retrouver moi-même notre douce Maggie, il m'a paru intéressant de confier l'enquête à une personne qui possède un regard différent, afin qu'elle puisse aborder la chose sous un angle nouveau, un regard étranger, débarrassé de toutes nos petites croyances insulaires. Foutaise ! S'emporta Mademoiselle Chapelle. Il eût été plus judicieux de me laisser disposer de tous les éléments en votre possession afin d'accroître mes chances de réussite. Ne serait-ce pas plutôt que vous-même auriez des choses à nous cacher, sœur ? Tenez, ces tableaux, par exemple. Pouvez-vous me dire qui en est l'auteur ? Quand bien même le vieil homme ne pouvait la voir, elle pointa le doigt vers les peintures lugubres qui, la dernière fois déjà, lui avaient fait forte impression. Ces figures fantastiques et obscures, ces visages tourmentés, ces créatures mythologiques terrifiantes, ces scènes violentes dont la seule vision glaçait le sang et dont l'exécution, quoique plus ténébreuse, rappelait le symbolisme mystique d'un Gustave Moreau. Ah ! Si vous me posez la question, c'est que vous connaissez la réponse. Phil Sadler ? Sans qui, Lorraine ? Lui-même. Son nom serait-il donc lié à votre enquête ? Demanda Weldon sur un ton véritablement intrigué. « Je crois l'avoir rencontré avant-hier au sanatorium. » Intervint Edward que le ton batailleur de Lorraine mettait mal à l'aise. « Enfin, disons qu'il se peut que je l'ai croisé pendant la mutinerie. »« Ah ! Il est donc toujours là-bas, le pauvre garçon. J'avais acheté ses peintures aux enchères afin d'aider ses parents quand ils l'ont transféré à Brackbury. »« Et pourquoi donc ?» relança Lorraine. « Vous sentiez-vous responsable de sa folie ?»« Aucunement. Mais elle m'a inspiré une profonde compassion, celle que m'inspire à présent votre colère. »« Je ne suis pas en colère. Je suis agacé. Je n'aime pas être mené en bateau. Vous nous cachez trop de choses, sœur. Comment voulez-vous que je poursuive mon enquête ?»« Désirez-vous abandonner, Lorraine ?» Elle poussa un profond soupir et se renfonça sur le sofa. « Bien sûr que non. Vous me mettez à l'épreuve, c'est cela ?» Le lord ne répondit que d'un silence. « L'épreuve de l'eau. » glissa Edward dans un murmure, comme pour lui-même, en attrapant doucement sa tasse de thé. Weldon, qui avait très bien entendu, concéda un nouveau sourire. Ses yeux se levèrent, oscillant vivement de droite à gauche comme le font parfois ceux d'un aveugle qui tend une oreille attentive. « La tempête nous a fait passer l'épreuve de l'air et de l'eau en même temps ?» continua le détective tout haut cette fois. « Avant de passer celle du feu, il nous reste... Y aurait-il des souterrains sur l'île, sœur ?» Le vieil homme, ravi, donna un petit coup sur le sol du bout de sa canne. « Ah ! Décidément, jeune homme, vous posez de très judicieuses questions. Oui, il y a de nombreux souterrains sur Blackmore. On y trouve même plusieurs sources chaudes que Margaret, passionnée de géologie, aimait aller voir quand elle était petite, malgré mes nombreuses mises en garde. « Vous ne pouviez pas le dire plus tôt ?» rouspéta Lorraine, toujours fâchée. « Vous dire quoi donc ?» Qu'il y a des souterrains sur Blackmore. Et alors, il y en a sans doute sur toutes les îles. Vous comptez tous les visiter? Il y en aurait pour des semaines, ma chère. S'il y avait quelque chose à trouver sous la terre, hypothèse envisageable, encore faudrait-il que je sache vous dire où chercher. Parbleu, je ne vous savais pas si impétueuse, mademoiselle. Vous devriez prendre exemple sur votre associé. La jeune femme, comprenant que le lord s'amusait à la provoquer, se contenta de hocher la tête. « Saviez-vous que Margaret avait un amoureux ? » demanda-t-elle plutôt. « Non, je l'ignorais. Qui donc ? » ?»« Aucune importance. Si elle ne vous l'a pas dit, c'est que cela ne vous regardait pas. » Lorraine ne put s'empêcher de remarquer le petit tic nerveux qui avait traversé le visage du butler. Celui-ci attendait sagement devant la porte, comme à son habitude. « Le portrait de Margaret dans sa chambre est-il également l'œuvre de Phil Sadler ?» enchaîna la Française. « On ne peut rien vous cacher. » « Pourtant, votre cher Arnold m'a dit l'autre jour que vous l'aviez offert à votre petite fille pour ses 18 ans, il y a 3 ans donc. Or, cela faisait longtemps que le peintre était interné. » « En effet, je lui en ai passé commande et il l'a exécuté dans sa chambre du sanatorium à partir d'une photo. » « Vous avez donc gardé contact avec lui ?»« Je prends des nouvelles de temps en temps. » « Je vous l'ai dit, Lorraine, j'éprouve pour lui une réelle compassion. J'ai pensé que lui donner l'occasion de travailler ne pouvait que lui être bénéfique dans sa triste condition. » Un silence s'installa, que seul le crépitement des flammes venait troubler. La tension dans la pièce était palpable. « Bien. Je crois que nous avons fait le tour, » dit Lorraine en se levant. « Nous allons donc reprendre notre enquête. » À la bonne heure. Arnold, voulez-vous bien remettre à Monsieur Pierce son enveloppe ? Oh, intervint Edward gêné, ce n'est pas nécessaire, vraiment. Lorraine a gentiment proposé de partager ses honoraires avec moi. Il n'en est pas question. Tout travail mérite salaire, et le vôtre est aussi remarquable que le sien. Vous méritez tous deux cette somme. Je ne veux plus en entendre parler. Très bien. Balbutia le détective en acceptant l'épaisse enveloppe que lui tendait le butler. « Alors, au revoir, sœur. Nous vous tiendrons informés de nos progrès. »« J'y compte bien. Au revoir, monsieur. Et au revoir, mademoiselle Chapelle. Que Dieu vous garde. » En guise de réponse, Lorraine marmonna quelque chose d'inaudible et Arnold raccompagna les deux invités jusqu'à la porte. Mais alors qu'il s'apprêtait à les saluer, Mademoiselle Chapelle le prit par le bras. « Vous saviez que Margaret avait un prétendant ?» chuchota-t-elle en se penchant vers lui. Ce n'était pas une question. « Toutes les jeunes femmes n'en ont-elles pas ?» demanda le butler. À l'évidence, il était embarrassé. « Pas toutes, non. Allons, Arnold, dites-nous ce que vous savez. Ne vous montrez pas aussi idiot que votre maître. » Vous pourriez nous aider grandement dans notre enquête. » Le pauvre homme, en proie à quelques tourments intérieurs, se mit à grimacer nerveusement. « C'est-à-dire que Maggie m'a fait promettre de ne rien dire, à son grand-père, bien sûr. Et c'est tout à votre honneur d'avoir tenu parole, mais je suis sûr qu'elle vous pardonnerait de vous être confiée à des détectives enquêtant sur sa disparition. » Le butler jeta un coup d'œil derrière lui, dans l'entrée. Puis il poussa gentiment les visiteurs vers le perron, leur emboîtant le pas. « Maggie a bien eu un amoureux pendant quelques mois, » dit-il à mi-voix. « Un militaire. Tony, » acquiesça Lorraine. Le serviteur eut un geste de surprise. « Mademoiselle est donc au courant. C'est un gentil garçon, un peu simple mais gentil. Elle ne l'aimait plus et elle venait de le quitter quand elle a disparu. » Mais elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Arnold, comme à contre-cœur, hocha la tête. « Dites-nous qui ?» le pressa Lorraine. « Je ne sais pas, mademoiselle. Elle n'a pas voulu me le révéler. Elle m'a seulement dit que c'était une personne respectable, quelqu'un de bien, qu'elle pourrait présenter un jour à Sir Ronald sans en avoir honte si la chose devait se confirmer. Vous n'avez pas la moindre idée de son identité ?»« Aucune. » Mais à sa manière d'en parler, j'ai songé qu'il devait s'agir d'une personne de bonne famille, aisée sans doute. Le fils d'un notable de la ville, peut-être. C'est tout ce que je puis vous dire. Je suis désolé. » Il leur fit une révérence et retourna prestement dans la grande bâtisse, fermant la porte derrière lui. Les deux enquêteurs échangèrent un regard, puis traversèrent la cour de Murdoch Manor sous le ciel gris de ce matin d'octobre. Le soleil aujourd'hui n'avait pas l'air décidé à montrer son nez. « Lorraine !» s'exclama soudain Edward, tandis qu'il venait d'arriver devant la motocyclette garée près du portail. « Attendez un instant !»« Cela change la donne !»« Quoi donc ?»« Ce que Sir Ronald Weldon vient de nous dire au sujet de Dagda !»« Oh, vous n'allez pas recommencer avec cette histoire !»« Ce sont des foutaises, Edward. Il n'y a pas plus de Dagda dans l'univers qu'il n'y a de Croatoan. Peut-être, mais ce n'est pas la question. Vous êtes agaçante à la fin. Voulez-vous bien m'écouter une seconde pour l'amour de Dieu? Ce qui compte, ce n'est pas que vous croyez ou non au contenu de ces messages. Ce qui compte, c'est que le meurtrier, lui, y croit. Et nous devons donc les étudier pour comprendre ce qu'ils impliquent. Lorraine s'assit sur sa motocyclette en poussant un long soupir. Je vous écoute. Bien. Si nous considérons que le meurtrier croit à ce qu'il écrit, on peut en déduire qu'il oppose Dagda à Croatoan. Dans le premier message, il dit que Dagda n'est pas immortel, et dans le deuxième, il annonce même son trépas. La mort tombera sur le rouge de la grande science. Quant à Croatoan, il attendrait, lui, de se réveiller. Peut-être faisons-nous fausse route depuis le début. Le visage de Mademoiselle Chapelle passa de l'agacement à l'intérêt circonspect. Continuez. On ne dirait pas que ces lettres anonymes ont été rédigées par les adeptes de Dagda. On dirait qu'elles leur sont adressées. Je vous en conjure, réfléchissez-y un instant. Ces messages pourraient indiquer qu'il existe en réalité sur cette île deux factions opposées, l'une dévouée au dieu Dagda et l'autre à Croatoan, le grand ancien. Le culte celtique ne serait donc pas le coupable, mais la victime, continua Lorraine songeuse. Exactement. Elias Carteret, Diana Tudor et Margaret seraient membres du culte de Dagda et c'est pour cela qu'on les aurait enlevés. Le visage d'Edward s'illumina de satisfaction. Reconnaissez que cela colle, dit-il triomphalement. Et je vais même plus loin. Tous trois ont un point commun. La maladie de Wilson qui donne à leurs yeux cet aspect étrange. Serait-il vraiment idiot de penser que les adeptes de Dagda sont tous atteints de cette pathologie? Imaginez donc. Et s'ils étaient les descendants de la tribu celtique originelle, celle qui s'est installée sur l'île aux environs du 5e siècle et qu'ils conservaient précieusement depuis lors la pureté de leur lignée, entraînant peu à peu l'apparition de cette maladie congénitale jusqu'à ce que, des siècles plus tard, elle finisse par les atteindre tous? Le docteur McCann m'a affirmé que lorsque les deux parents sont atteints de la maladie, ils la transmettaient irrémédiablement à leurs enfants. La jeune femme hocha lentement la tête, de plus en plus convaincue. Mais alors, dans ce cas, Sir Ronald... Eh oui, Lorraine, votre cher Lord serait lui aussi membre du culte, comme sa petite fille, ce qui pourrait expliquer qu'il ne nous dise pas tout. Et sa cécité, bon sang, s'exclama Mademoiselle Chapelle. Mais le pire, c'est que vous avez peut-être raison, odieux personnage. Ah, enfin, fanfaronna Pierce. Le meurtrier serait donc un ennemi du culte? Ou l'adepte d'un autre culte dévoué à Croatoan? Il y aurait sur l'île deux groupes ennemis depuis des siècles, qui sait? Ces gens sont fous, se lamenta Mademoiselle Chapelle en enfilant ses grosses lunettes d'aviatrice. Peut-être devrions-nous les laisser s'entretuer, après tout. Certes, mais ne comptiez-vous pas revoir le beau Nicky Tudor? Selon notre logique, il serait un adepte de Dagda, lui aussi. Lorraine sourit. Bon, dans ce cas, on pourrait tous les laisser s'entretuer, sauf lui, proposa-t-elle espiègle. Allons, ne dites pas de sottises. Nous venons de franchir un grand pas dans notre enquête, mon ami. Alors montez, bon sang, rétorqua la jeune femme en faisant un signe de tête vers l'arrière de sa motocyclette. Vraiment? C'est très désagréable, vous savez. Vous ne pourriez pas mettre un coussin sur ce maudit porte-bagages? On y pensera. Allez, montez, que diable! Le détective s'installa derrière elle en grimaçant. « Où allons-nous » demanda-t-il en s'agrippant à la taille de la Française. « Eh bien, voir les mégalithes, pardi !»